Prenez le turf et le blaze, à sa passe ton chemin. Ici la métaphore maintient le malin loin. Quand le terrain devient malsain, et de mon arsenal 100 fois éprouvé, une technique disséquée, extrait d'acier trempé, purement forgé, pour que mon art fasse mal. Je suis facial, c'est l'effet escompté. Quand la rythmique s'emballe, égale l'oreille des puristes. Prise de risque pour cheval de bataille. Mélodie salvatrice ou ultime, annonçant l'estocade finale. Ce format digital bestial sera le choc frontal. Et on se bat plus pour les papa présent, mais bien pour sa poirée. Tout a changé sauf le son qui baisse les alignés sur le trottoir. Si tu crois que je vais lâcher mon crew, tu te cours sans crocher l'aura de fidélité. Habilité à ruiner neurones et corps sensibilité. Y'a pas d'utilité puisqu'à l'écoute de son ronde vient animal. On n'est plus les mêmes, rien à foutre foraine, on vient pour faire mal. Dans mon verre par mal, pour ton futur bas mon tel chien. Tu la danses pas la sentence, moi et de mes forces tiens. C'est que rap non, j'arrondis les coins, ouais. Sur mes i y'a toujours du point, ouais. Ça laisse l'hypocrite mal en point, regarde tous d'armes leur gars en coin. Ils savent que le crew débarque, sèchement pointu comme sur un. Car cadeau divin devient dangereux ravin, mis dans de mauvaises mains. Crains sur terre comme l'or en mer, glace en pire qu'un gel d'hiver. Voix sous la froide pierre, gisent leurs espoirs, brisés tel le verre. L'air austère, pas nécessaire, juste une discipline de fer. Un ange de même matière, ils transforment des carrières en fait divers. Vers le grand chelem, tu penses que le diadème, les faux que la peine. On n'a rien sans rien, dans l'oreille et prends ce qu'on t'amène. Garde que ta manne, toute la crème, sans le son, sur les fonds. Vers le grand chelem, tu penses que le diadème, les faux que la peine. On n'a rien sans rien, dans l'oreille et prends ce qu'on t'amène. Garde que ta manne, toute la crème, sans le son, sur les fonds. J'assume les répercussions, si je crame la piste étoilée. C'est sa vie, ses répulsions, vision jamais dévoilée. J'ai dangereux sans rémission, posture une once décalée. Pour cette nouvelle édition, disent que ça tu crois aller. On voulait nous voir revenir comme des putains de condamnés devant l'importance. On amène la constance, l'abondance de la rime, devant la pertinence. Profondément atteint, loin de vos baratins, vos festins, vos fautins. Ce qu'on cherche ici c'est la race, c'est pas le menu frottin. Une sarrasine cause, fossé en dalame. Passe mes blâmes et rames, crame et gramme et clame. Que mes gars sur vite c'est du putain. Faut qu'on brise l'âme, le but relever le niveau sur le terrain. Le malsain, marche à la fin de commérage, trah, tiens. Je reste dans la même veine, strict dans les termes, verbe ferme. Soumissile, une terre vierge, embrase mes fourrés. La saga traverse les âges, t'inquiète, arrête tes recherches. Ce laboratoire est d'abord des bits, phénomène hideux comme une bête d'herpès. À l'assaut du monde comme naguère, Xerxes. L'air que j'expulse, c'est la pression que j'exerce. Préserve l'art du MC en putain d'extinction de l'espèce. Rime est-ouest, pas de chapelle, chapitel marqué offert. Chien, prends ses vers, c'est offert. Et profites-en pour changer en chemin les 200 mots que tu profères. Maintenant prions, car blisse et glisser dans nos artères. Farad en bilan triomphe. Projette la tyrannie de nos embryons, puis des pyramides sur le reste. Semant les froids dans les environs, sordide, timide sur le geste. J'espère le grand chelem, tu penses qu'au diadème, les faux que t'apprennes. On n'a rien sans rien, dans l'oreille et prends ce qu'on t'amène. Garde que ta manne, toute la crème, sans le son, sur les fonds. J'espère le grand chelem, tu penses qu'au diadème, les faux que t'apprennes. On n'a rien sans rien, dans l'oreille et prends ce qu'on t'amène. Garde que ta manne, toute la crème, sans le son, sur les fonds. Tu te voyais déjà en haut de l'affiche comme As d'amour, hein. T'en as peut-être impressionné plus d'un, je l'avoue. Mais c'est notre heure, et ça le premier plat, alors savoure. Et strate une tranche extraite de l'enveloppe de notre bravoure. Franchement bien, hein, terrible. Hein. Ouais, bonne atmosphère, super. Ah ouais. Hein. Franchement, ouais, il est assuré. Bon, j'espère que j'ai pas l'impression qu'on soit très en avance. Hein. Je vous entends. Hein. Bah, j'ai entendu boum, de l'autre côté, mais... Ouais, voilà, j'arrive. Oh. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, il est con, on est en train de bosser, connard.